C'est André Philoquet qui te casse les oreilles pendant le temps des fêtes. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un à l'écoute, mais quand même! Écoutez, ciné-cadeau, c'est pas mal tout le temps les mêmes films qui passent, alors je m'occupe en te préparant une nouvelle édition de Plectrum, qui va d'ailleurs débuter dès maintenant avec un petit peu de pièces inspirées du yéyé et de la joie de vivre, parce que c'est le temps des fêtes, et malgré le fait qu'il y a des clochards qui se gèlent le cul dehors, oh, on va au Boxing Day! Ouh! On débute dès maintenant avec du Call Me Poupée. On va aussi avoir du Sophie, duo de choc entre Gainsbourg et Bardot, ainsi qu'un autre avec Jeanne Chéral et Franck Monet. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous invite à me faire parvenir au plectrumcism@hotmail.com. J'ai aussi un site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. On débute dès maintenant avec Appel interurbain de Call Me Poupée sur Plectrum! Détestable, et l'autre conne au bout de la table avance son couteau vers moi. Pourquoi tout le monde se sert dans mon assiette? Tout le monde se sert dans mon assiette. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde se sert dans mon assiette. Tout le monde se sert dans mon assiette. Tout le monde se sert dans mon assiette. Ah, ces invités sans en avoir l'air m'auront piqué jusqu'à mes couverts et pillé chacun de mes plats. En bavardant, ils font comme de rien, à coups de fourchette, pire que les chiens. Je n'en peux plus de ce repas. Pourquoi tout le monde se sert dans l'assiette? Tout le monde se sert dans l'assiette.

toujours le cœur de l'Armée Rouge en ma compagnie André Péloquin. Je fais une compilation de Noël pour faire un maximum de blé et payer ma dope. C'est Plectrum, la grande traversée du jeudi qui persiste et signe même pendant le temps des fêtes. On vient de terminer avec Je ne fais pas d'histoire de Sophie. Un peu avant, on avait un classique duo Gainsbourg-Bardot comic strip. Un peu avant, un autre duo Jeanne Chéral et Franck Monet avec la pièce Tout le monde se sert dans mon assiette. Oh mon Dieu, ça me rappelle des soupers, des fêtes. Et on a débuté avec Call Me Poupée, c'était la pièce Appel en terre urbain. On va poursuivre dès maintenant avec quelque chose qui est plutôt dans le vent en ce temps de Noël et de fin d'année. Bien sûr, du punk rock. On va avoir entre autres du Powwow, on va aussi avoir du Heavenly, une nouvelle pièce de la descente du coude qui sert de thème à une émission de Shiz. Mais avant, un classique qui a marqué l'année, Comptez les corps de Vulgaire Machin. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, tu connais le courriel, tu peux m'écrire. Pour avoir plus de détails sur la station de radio, c'est le CISM893.ca. On y va dès maintenant avec Vulgaire Machin. Tout seul, je veux pas mourir de honte. En petite miette sur les seuils, compter les corps qui tombent. Je veux pas rester tout seul.

disquaire au cinéma. André Péloquin te chante le Noël rustique et vous écoutez Plectrum, la grande traversée du jeudi sur les ondes de la radio des étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal. Et quand je suis en ondes, ça paraît que c'est pas mal étudiant, merci. CISM893.ca. On vient de terminer avec le groupe Powwow, c'était Zombie dans Paris. Un peu avant, on avait Heavenly avec leur reprise de Nous ne sommes pas des anges. Un peu avant, la descente du coude avec la descente du lit. Et on a débuté avec les vulgaires machins, c'était Compter les corps. On va poursuivre dès maintenant avec du rap francophone. Et je vais y aller dans le cliché de faire jouer du rap francophone dans les radios universitaires et communautaires en y allant à fond la caisse avec du TTC. On va avoir trois collaborations de TTC ainsi qu'une nouvelle pièce de Jingle Fly que je vous ai fait jouer la semaine dernière après l'entrevue. Que voulez-vous? Elle m'est restée dans la tête. Alors, la revoici pour vous. Si vous avez iPod ou iTunes et, ou encore de l'espace sur votre disque dur, et que vous voulez le bourrer tout simplement, eh bien allez sur Podmodernisme, podmodernisme.blogspot.com, c'est ma balado diffusion. Vous ouvrez là des trucs un petit peu intéressants à télécharger et à écouter et à apprécier. On débute dès maintenant avec TTC en compagnie de Mod Selector, c'est la pièce Une bande de mecs sympas. Capital sympathie, j'en ai à reprendre. Pas d'être niveau de compagnie, faudrait descendre. GGG, bang bang, mes pépates me rassurent. L'homme, si je peux leur rendre de terre vissée avec grand plaisir. Aucun souci, zéro outil de maquillage dans ce discours. Passe un détour en amitié, tu as l'exclusivité. Je suis un mec entier, quand le courant passe, j'aime bien. Je marche au feeling et sonne sympa mais pas trop quand même conforme. Tu restes mutuel ou on te casse la gueule. Sa vie c'est rock'n'roll et super cool. On sustruce que des foules comme on peut. On est sympa comme les cinq pas, pas comme les cinq doigts de la main. On parle de tout et de rien. Pas j'aime, pas j'aime, bébé. me pogner votre extrait de bonheur. Un coup de couteau dans le cœur, gros rouillé pénétreur. C'est nous les meneurs, pogne ton finis pis pleure. Écoute mon fat gap, ma tête éclate, snipe les snipers qui nous snipe dans le back. J'peins la ville de Montréal, d'écarlate. Ma taxe est d'éliminer de ta calice de populace. J'suis rapide, lucide, t'as feel slow pendant j'te kill. Flick, flick, deux stabs dans le cou, clair avec stone, nous j'l'ai déjà tué trois. Blah, blah, blah, avec mon revolver, caché smic dans mon bois. C'est la CIA qui me veut du mal. C'est la GRC qui me veut du mal. Police de quartier qui me veut du mal. Jean-François Cloutier qui me veut du mal. Les gens disent que je suis parano, mais c'est pas un défaut, c'est la peau. M'assois pour l'or, je vais pousser du hard en or. Bill Clinton, on t'a bien eu. Une guérilla direct la rue. Une armée accrue, on t'a déçu. Ça là, on achète des armes américaines. M18 dans ma Mercedes-Benz en Péden avec mes chiennes. Engagé pour éliminer la gauche de l'UQAM, financé par ses grammes, on a fait toute cette cam. Et je remercie Monsieur Chan pour son enseignement du Kung Fu. Jingle Fly, on est trop fou. Assez-toi de mes 5 new biatch, CIA, FBI, toutes ces petites putes, step up! À la chimie, c'est ton temps pour speak wrong. Toujours sur notre cœur, c'est comme ça. À la chimie, c'est ton temps pour speed rock. S'il y a toujours sur notre cœur, c'est comme ça. Yo, j'ai des portes pleines d'épidés, vite t'es dépidé. Micro, mais sur mon escalade, l'année à bord duquel gangsta lock, puis golden glock. On se pointe dans ton quartier, puis tu vois ton fuck. Yo, NS1, j'pit rock, j'fourre des big bucks. Dollar mill, yo, c'est nous qui conseillent Trump. Plus riche, qu'est-ce que vend la CIA, nous watch. Moi j'fume des cigares, puis j'me gratte la poche jusqu'au jour où j'amène une piquette. En balade, commence à make out, pop des espions des arbres. Même pas le temps de me demander, c'est sérieux. J'flip des arbres, puis que j'kick deux flics. Yo, donc partage ça, mon gars, shoot l'autre big. 180 en arrière, stable le dernier au big. Rap magic, qui prise de panique. Casse arrive, comment on décrise au plus vite. La gare est ouverte, puis on va la fermer. Yo à la Chine, c'est trop bleu, vous pouvez pas rester. Comme la gold Astérix, on est invincible. C'est IA, GRC, c'est maintenant vous notre cible. Hey yo, mais pas, face à nous, tu tombes vert. Parce qu'on vise le top, nos portes sont les stats. Jingafly, on va mettre la Chine sur la marque. FBI, déjà sur notre ass, espionnage et fond de tête. C'est fait top, faut que tu restes top. Y'a du fuck, vise la crâne, atteint les box. Faut qu'on se fait, ouais, sans se faire boss, tasse des sots. La CIA rêve de nous cut, évacuation à poche. V12 sur mon hood, dans mon trunk. Crack rock, speed, ash, coke, junk. Tu connais pas les armes qui t'attendent, fais rien que bounce. Canon automatique, calibre 50. But, fuck pas avec nos modes de transport. Faut que choisir la paix pis la mort. Tu planques des mics dans mon crib pis mon char. Surveillance aérienne, satellite et radar. Vesque blanc, protection, écrusée de mon père. C'est une meute de loup pour surveiller mon cesse. Deux chats dans le bec, deux chats dans le tronc. Deux chats dans le chest, deux chats dans le neck. Pis le reste, deux chats au guest. Parmi les best, yes, mon convoy ride. Suivi d'habits en suburban sans tête. Dans le big rig, avec le flag latching en live. Trop proche au pitch par les bacs pis les sides. Pis je me flex, parce qu'en dedans j'ai un jet. Trop slick avec des fat specs. Piquette, pas dans le chest, même shit check. L'adrénaline te rend wet. La Chine mondiale, on a des high hopes. Pression constante, mais en coke. Ils ont peut-être des guns avec des grosses scopes. On a plus des hums, des tanks pis des boats. À la Chine, c'est ton temps pour speed rock. S'il y a toujours sous notre cœur, c'est comme ça. À la Chine, c'est ton temps pour speed rock. S'il y a toujours sous notre cœur, c'est comme ça. Toute nue, debout sur le lac, cours, me saute dessus, puis couche sur le sable, sexy femelle, oui je t'aime si fort, j'adore ça quand tu me serres si fort. Ta peau, ta, ta, ta peau, ta peau, ta peau, ta peau, ta peau, ta, ta, ta peau, ta peau, ta peau, ta peau. I'm gonna do it one more time. Buffy and physics, would-be cynics, goofy gimmicks. How to town physics, wraps down clinics, cell phone mimics. Assis sur mon lit, je regarde innocemment par la fenêtre, tu n'es pas là. Je n'en peux depuis qu'on m'a dit de me faire à l'idée de devoir me réveiller sans toi. Tu es parti sans dire au revoir. Je ne sais pas vraiment qui croit. Est-ce la fin de notre aventure ou t'es-tu laissé embarquer dans une sale histoire? Je te demande juste un signe, ça fait 2 mois que mon cœur a refusé d'arrêter de saigner. Si tu as refait ta vie, dis-le moi, je serai content pour toi et j'essaierai de t'oublier. Ai-je fait une erreur? Je stresse et j'ai peur. Je ne compte plus les heures. Épargne mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. I can't want to hit it from a mile away, cause I got an excellent trained eye. I'm supposed to leave your brother in Shanghai to win a cage world and appraise your girlfriend. She tastes like lemon meringue pie, but she ain't worth a single shilling. I just bitches of equal billing. I didn't get my time to make a motherfucker's brain fry. You pull up creative endeavors and business deals, it's no pressure. I rule over a layer with an iron fist holding a gold scepter. And y'all niggas is animatronics, having intercourse, one to 40 king drive. I'll go to 43 cause the pork and pig dies. Got caught up inside of my reason artist, for that mean queen start out. Especially with technique and Gito, according to ladies with healthy libidos. Or the meter on stage will never be peaceful, make all the acts look like feathered flamingos. Or premature undeveloped genetic mishaps. Sure, I'm not gonna get a pin by a bitch slap. Hey, guess what? Get back. Elle avait pas de cœur, donc j'ai pris le relais. J'avais le feu vert. Ce petit bébé va m'aider, va céder, accepter de se faire accompagner. Elle a acquiescé, ça s'était rougi quand j'ai caressé. J'ai ça dans le sang, c'est évident, elle me trouve trop chou. J'ai ça dans le sang, elle me trouve trop chou, en plus d'être trop cool. J'suis un bonbon habillé comme un arc-en-ciel. J'arrive dans le club, pique une meuf et file à l'anglaise. Cours sur les toits pour te faire voir, cours sur des terrains de tennis à poil. Investis-toi, donne-lui tout, prosterne-toi, concerne-toi. Qu'elle détourne son regard, partage des putes sans importance. Devenu love en toute innocence de l'une d'entre elles. Cette fille qui t'entraîne, elle les mecs, une manche, juste homme au sourire d'ange. La foule est dense, elle disparaît. Elle te coupe le souffle, t'es désemparé. Elle te mène la vie dure, le monde s'écroule. Tu tombes de haut, c'est super triste. Tu m'inquiètes, t'es tout bizarre. Like Teddy Riley in this bitch. Hey, edit, take it to the bridge. Tu écoutes Plectrum, la grande traversée du jeudi, juste quand on avait assez des cantiques de Noël. Noël! Noël, André Péloquin, tu casses les oreilles. Achetez mon compact, bande de bitches! Et oui, c'est Plectrum, la grande traversée du jeudi qui se poursuit, même si c'est le temps des fêtes. On vient de terminer avec la méthode anglaise en compagnie de Edith, Bus Driver, D-Style et TTC. C'était la pièce Crunk de Gaulle, comme de Gaulle, vive le Québec libre. Un peu avant, on avait Simplon en compagnie de TTC. C'était la pièce Daft Punk, Is Playing on My Nintendo. Un peu avant, Jingle Fly avec CIA, et on a débuté avec TTC, une production de Mode Selecteur. C'était la pièce Une bande de mecs sympas. On va poursuivre un petit peu dans la même lignée avec des pièces électro. On va avoir entre autres du Malajube, un maxi qui vient de sortir dans les magasins de disques finalement, avec le single Étienne Daou. On y retrouve ce remix de Fille à plumes qui est pas mal intéressant. On va aussi poursuivre avec un autre remix d'une pièce rock, mais cette fois-ci d'Indochine. Je parle de Alice et June. C'est le remix de The Hacker. Et si on a le temps, on va continuer avec du numéro, avec le déjà classique « J'aime la bourgeoisie ». Si tu as des questions, des commentaires, des suggestions, je te rappelle mon courriel, c'est le plectrumcism@hotmail.com. Pour avoir plus de détails sur la programmation de l'émission d'aujourd'hui, ça se passe sur le blog de l'émission. C'est le plectrumcism.blogspot.com. Pour avoir plus de détails sur CISM en tant que tel, sa programmation, sa grille horaire, etc., va sur le cism893.ca. On y va dès maintenant avec Malajube, qui nous reviendront en concert dès février. Hola! deux, trois, Alice est née dans un endroit qu'il ne fallait pas. Et un, deux, trois, Alice au pays des étoiles, il était une fois quelqu'un comme moi. Et un, deux, trois, Jésus-Christ est tellement mort pour rien, j'espère que tout ira bien. Les regards.